Chapitre 7e. Le comte Mario de Meghan menait à Dresde une vie assez retirée. La belle saison n'avait point fait partir de la ville toute l'aristocratie. Quelques familles nobles et opulentes étaient restées. Les salons de plusieurs ambassadeurs ou ministres résidents étaient ouverts. Mais le comte les fréquentait peu. Il se contentait de remplir strictement les devoirs de bienséance et d'étiquette que sa position officielle lui imposait, et voilà tout. Ces réunions n'avaient pour lui aucun charme, aucun attrait. Les distractions passagères qu'elles lui procuraient ne pouvaient le captiver que très médiocrement. Elles ne le sauvaient ni de l'ennui, ni même de la réflexion. Ce monde qui s'agitait devant lui ne l'éblouissait pas par un mirage trompeur. Il en sondait la brillante surface avec l'œil d'un observateur et le sang-froid d'un philosophe. Dans les salons, il recherchait la société des femmes, peut-être parce que sa réserve, rehaussée par les grâces d'un bel extérieur, lui valait des prévenances et des cajoleries toujours flatteuses pour l'amour-propre, sinon pour le cœur. Peut-être aussi parce que les femmes le comprenaient moins et lui rendaient plus facile son rôle d'homme du monde. Et en effet, quel que soit le masque que l'on adopte, les femmes s'y laissent prendre aisément. Celui de la gaieté surtout les trompe et les abuse. Qu'on rit et qu'on plaisante devant elles, on passera leurs yeux pour un personnage gai et insouciant. Les hommes entrevoient mieux la vérité cachée sous l'apparence. Ils savent, par expérience personnelle, que les larmes étant interdites à leur sexe, ils ont recours à une gaieté expansive et bruyante, alors justement qu'ils auraient le plus besoin de pleurer. Mario affectait donc parfois en public une gaieté communicative, mais de quoi riait-il? Du but mesquin où aboutissaient les vastes désirs dont il était dévoré? De la lutte que se livraient sans cesse sa raison et son cœur, lutte dans laquelle le dernier demandait en vain un peu d'illusion à la première. Il riait de lui-même, de ses efforts impuissants pour se rendre maître de sa propre sensibilité. Il riait en se comparant au pilote habile et expérimenté qui, dirigeant sa barque à travers les écueils, croit déjà toucher au port et qui, assailli tout à coup par une lame furieuse, est lancé contre les pointes des rochers. Il riait enfin du spectacle changeant et uniforme de la vie où des acteurs toujours nouveaux jouent toujours les mêmes scènes et arrivent toujours au même dénouement. C'est en s'habituant, jeune encore, à exercer sur toute chose un examen impartial et sérieux qu'il s'était formé une manière de voir libre et indépendante. Mario agissait en homme qui a ses idées à lui et qui, loin d'obéir aveuglément aux arrêts du monde, les discute et les juge. « Sois toi-même », lui avait dit son père, quand Mario, alors âgé de 15 ans, quitta pour la première fois le manoir de ses aïeux. « Sois toi-même, et ne te fais l'esclave des opinions de personne. Pour défendre ce que tu croiras juste, sois prêt non seulement à affronter la mort, ce qui est peu méritoire chez les jeunes gens, mais à supporter la vie, ce qui est plus difficile. Sois toi-même, Mario. Pratique le bien autant qu'il te sera possible et toujours sans espoir de récompense. » Mario avait été fidèle à cette recommandation. Il s'était appliqué constamment à conserver son libre arbitre et c'était là surtout le secret de sa supériorité. Mario était assez lié avec Feldern, non que celui-ci fût à sa hauteur, mais parce qu'il y avait entre eux des souvenirs de collège qui entretenaient leur amitié. Feldern, renfermé dans une sphère modeste, ne faisait point effort pour en sortir. Sa fortune était médiocre et elle suffisait à ses désirs. N'ayant ni les talents qui grandissent l'homme, ni l'ambition qui souvent y supplée, il vivait dans une joyeuse insouciance qui participait autant de sa paresse d'esprit que de sa pauvreté d'idées. Son unique souci était d'amener la jeune fille qu'il aimait à l'épouser. Encore a-t-on vu que cet amour ne le tourmentait guère, et que fiancé depuis 4 années, il supportait cette longue épreuve avec une patience exemplaire. Du reste, Feldern était bienvenu dans les salons à cause de son humeur joviale et facile. Les femmes lui faisaient fête à cause de sa jolie figure, tout en le raillant de sa petite taille. Il courait après tous les plaisirs. Il évitait avec soin tout ce qui aurait pu troubler sa sérénité d'âme, et au moyen de ce système, il était le plus heureux des hommes. Quant à comprendre Mario, Feldern en était incapable. L'un, esprit original et génie ambitieux, travaillait ardemment à s'ouvrir un plus vaste horizon. L'autre, se confondait dans la foule du vulgaire étant de ceux qui sont destinés à former des masses et qui, pris isolément, ne comptent pour rien. « Que voulez-vous, mon cher Mario ? Je n'ai pas d'ambition, » répondait Felden à son ami, un jour que celui-ci lui reprochait d'avoir refusé un emploi, non rétribué d'ailleurs, et purement honorifique. « Mais c'est une apathie qu'il faut secouer, » répliqua le comte avec impatience. « Vous devez songer à vous faire un avenir. Mon avenir est tout fait, ou à peu près. Je ne prétends nullement être premier ministre ou ambassadeur. » « Et pourquoi non ?» Lorsqu'on demanda celui qui plus tard saignit la tiare sous le nom de Jean XXII, pourquoi il allait à Rome, il répondit « pour être pape ». Et il fut pape. « Ayons un but, mon cher Felden, ayons foi en nous-mêmes, et quel qu'élevé que soit l'objet de nos désirs, avec du courage et de la persévérance, nous y atteindrons. Au diable, si c'est trop, j'aime mieux y renoncer. J'aime mieux ne pas me fatiguer en efforts qui peuvent être stériles. Je suis content de ma position, moi. Mais, Felden, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas l'être. Je le suis, cependant. Ne me vantez point le rang, les titres, les richesses, tout cela n'est pas pour moi, ou plutôt, je ne suis pas fait pour cela. Il faut lutter pour y arriver, il faut lutter pour s'y maintenir, il faut braver la haine, l'envie, les rivalités. Pas de repos, toujours des soucis et des craintes. Ma foi, je reste où je suis. Vous parlez comme une femme timide. Contemplez d'un œil plus hardi cette arène glorieuse, pleine de poussière et de bruit, une arène olympique où se heurtent les chars, où les coursiers dévorent le sol, où les lutteurs arrosent le sable de leur sang. C'est une arène, vous dis-je, avec des milliers de spectateurs, et où le triomphe bien disputé n'en est que plus doux. » Et en parlant ainsi, les traits de Mario, illuminés par l'enthousiasme et l'inspiration, prenaient un caractère de beauté presque idéal. Felden l'écouta en hochant la tête. « Et vous voulez que je me lance au milieu de tout ce tapage ?» dit-il enfin. « Serviteur, ce n'est point mon avis. Vos Jeux olympiques ne me tentent point. Mais vous, qui vous mettez au nombre des jouteurs, que vous vaudra le triomphe si vous le remportez ? Supposez que ce soit une guirlande de feuilles vertes. Mauvaise supposition. Si encore on vous plaçait sur la tête un diadème d'or, une couronne de roses, je concevrais qu'on se donnât quelque peine afin de gagner le prix, mais une guirlande de feuilles vertes ? Oui. » s'écria Mario avec force. « Oui, une simple guirlande de feuilles vertes. L'or et l'argent seraient une récompense toute matérielle. L'homme qui arrive au but n'en a pas besoin. La satisfaction d'être vainqueur lui suffit, et c'est là ce que j'entendais par ma guirlande symbolique de feuilles vertes. Puisque cela vous suffit, tant mieux. Tout ce que je puis dire, c'est que pour un ambitieux, vous êtes extrêmement modéré dans vos désirs. Oh, si vous parlez de mes désirs, ils sont immenses. J'aspire à une grande fortune. » À des succès brillants, mais pas de médiocrité, pas de demi-réussite, tout ou rien, voilà ma devise. Avec de tels sentiments, vous serez difficilement heureux, mon cher Mario. Et ne songez-vous pas bientôt à vous marier ? Sans doute, mais plus tard. Mon heure n'est pas encore venue. Je voudrais qu'elle le fût déjà. Il me semble qu'il vaut mieux être une espèce de soleil autour duquel gravite une famille que d'occuper une place solitaire au milieu du ciel comme une étoile fixe. Et vous vous marierez pour être un soleil entouré de beaucoup de satellites ? Oui, pour échapper à l'isolement qui commence à me peser. C'est aller chercher bien haut une raison. Celle-là est hors de ma portée. Eh bien, changeons de sujet. Quand me présentez-vous à votre fiancée ? Voulez-vous m'accompagner demain chez elle ? Demain, soit. Je serai charmé de la connaître. Le lendemain, à l'heure convenue, les deux amis montèrent à cheval et se dirigèrent en suivant les bords de l'Elbe vers une ancienne et modeste habitation qui servait de résidence aux parents de Charlotte. C'était le nom de la jeune fille que Felden devait épouser. Chemin faisant, Mario pria son compagnon de lui décrire sa fiancée. « Elle porte un nom qui promet, » remarqua-t-il, « le nom de l'amant de Werther. »« Oui, oui, » répondit Felden. « Et ce n'est pas ce qui me plaît le plus en elle. Ces noms des héroïnes de romans ne sont pas toujours du meilleur augure. » « Heureusement, Charlotte ne donne pas trop dans le sentimentalisme. Voyons, comment vous la décrirais-je ? Je crains d'être partial, et de trop vous flatter son portrait, elle est... Non, elle n'est pas précisément ce qu'on peut appeler jolie, et pourtant elle n'est pas mal, mais ses sœurs sont mieux qu'elle. »« Oh, ses sœurs ? » dit Mario en riant. « Diable, vous auriez dû me prévenir qu'il y avait des sœurs. Vous savez combien je tiens à mon indépendance, et vous m'attirez dans une sorte de guet-apens. Et les sœurs de Charlotte sont donc jolies ? Très jolies. Plus que Charlotte elle-même, je le crois. Rachète-t-elle cette infériorité par les agréments du caractère et de l'esprit? Est-elle aimable? Aimable? Pas précisément. Ce n'est pas le mot qui convient pour donner une idée exacte. Parbleu. Mon cher Feldorn, vous n'excellez pas à faire le portrait de votre maîtresse. Si vous imaginez que ce soit facile. Mais enfin, décrivez-moi la couleur de ses yeux, celle de ses cheveux. Oh, pour cela, je le puis aisément. Ses yeux, attendez un peu. Elle a des yeux. Mais vous allez la voir dans quelques minutes. Nous voici arrivés. Oui, pensa Mario. Je verrai probablement une grosse et grande Allemande, n'ayant ni grâce, ni esprit, ni beauté. Cela m'explique la patience avec laquelle mon ami Feldorn attend l'époque de son mariage. Ils touchaient en effet au but de leur promenade. L'habitation où ils entrèrent était située non loin des bords de l'Elbe, dans une prairie qui s'élevait en pente. Cette maison, entourée de jardins et ombragée par de hauts peupliers, présentait un aspect rustique mais des plus agréables. La mère et les deux sœurs de Charlotte étaient assises devant le perron du jardin, travaillant à des ouvrages d'aiguille. Elles firent à Feldorn un accueil empressé. Celui-ci leur présenta son ami, après quoi il demanda des nouvelles de Charlotte. Elle avait accompagné son père jusqu'à une vigne peu éloignée, car le baron von Stein, en véritable Allemand qu'il était, affectionnait le jus de la grappe et faisait sa plus chère occupation d'inspecter cette partie si intéressante de la récolte. Charlotte ne tarda point à revenir avec lui de cette petite excursion. À sa vue, Mario resta comme pétrifié d'étonnement. « Est-ce que Feldorn est fou ? » pensa-t-il. « Ou bien a-t-il voulu se railler de moi ?» À l'entendre, sa fiancée n'était pas précisément jolie. Ses deux sœurs l'éclipsaient. Par le ciel, il a perdu la tête. Ou du moins, il est aveugle. Feldorn s'avança au-devant de Charlotte pour la saluer. Soit que la présence d'un étranger intimidât la jeune fille, soit que ce fût sa manière d'être habituelle, elle le reçut poliment mais froidement. Il se haussa sur ses pieds pour l'embrasser, car il faut bien le dire, elle était plus grande que lui. Par un mouvement gracieux, elle lui échappa, et Feldorn, un peu confus, dut se contenter de baiser sa main, qu'elle lui abandonna avec nonchalance. Cependant, Mario n'était pas encore remis de sa surprise. Il avait devant les yeux une de ces merveilles de beauté et de perfection que rêve quelquefois l'imagination des poètes. Charlotte comptait à peine 17 ans. Ses traits fins et réguliers offraient dans toute sa pureté le type grec. Sa longue chevelure brune, ses yeux d'un noir velouté et surmontés de sourcils épais, la courbe gracieuse et pourtant sévère de sa bouche, la richesse de ses formes, dont les contours harmonieux commençaient à se dessiner, tout chez elle eût excité l'admiration d'un sculpteur ou d'un peintre. On pouvait ne pas la trouver jolie, mais elle était véritablement belle. L'artiste n'en eût pas fait peut-être le modèle d'une Vénus, mais il l'eût choisie pour une Diane chasseresse. Tel était, en effet, le chaste caractère de sa beauté. Telle était l'expression un peu dédaigneuse de sa bouche et de ses yeux. Ses yeux pourtant semblaient faits pour inspirer l'amour, sa bouche pour en parler le langage, mais l'animation manquait à tout cela. En attendant que l'âge développât la femme, et la femme passionnée, ce n'était encore qu'une belle et froide statue. La conversation s'engagea. Les deux sœurs de Charlotte et Feldorn en firent presque tous les frais. Madame von Stein se contenta de placer çà et là quelques remarques fort sensées. Le baron von Stein grommela deux ou trois mots en réponse à la question. Il était évident que le digne vieillard ne brillait point par les idées et le talent de la parole. Charlotte se montrait distraite et gardait le silence. Mario observait. La manière d'être de la jeune fiancée lui paraissait bizarre et presque inexplicable. Elle n'adressait ni un mot ni un regard à Feldorn. On eût dit qu'elle ne s'apercevait point de sa présence. Elle avait les yeux baissés, et quand elle relevait ses longs cils, quand elle regardait autour d'elle, c'était avec un air de préoccupation profonde. Sur quoi donc ou sur qui se portaient ses pensées? Et ce qui ajoutait à l'étonnement du comte, c'était le calme indifférent de Feldorn. Feldorn riait et plaisantait avec les deux sœurs de Charlotte. La contenance au moins étrange de Charlotte elle-même ne lui causait aucun embarras. Il semblait y être parfaitement habitué et en avoir pris son parti. « Ah !» se disait Mario, « si j'étais femme, un amant aussi tranquille ne me plairait guère, et si j'aimais une femme qui n'eût pas l'air de faire la moindre attention à moi, fût-elle plus belle encore, je ne l'épouserais jamais. » sages et judicieuses réflexions auxquelles on se livre à loisir quand le cœur est libre, mais dont on n'est plus capable lorsqu'une fois on est amoureux. Charlotte avait gardé sur sa tête le grand chapeau de paille qu'elle avait emporté à la promenade. Felden la pria de l'ôter, voulant sans doute que son amie pût la contempler mieux à son aise. Elle y consentit sans faire aucune observation, et alors sa magnifique chevelure, venant à se détacher, se déroula en boucles soyeuses qui inondèrent son cou et ses épaules. Felden, enhardi par ce premier succès, prit une branche de vigne que sa fiancée avait roulée autour de son chapeau et qui était restée à sa place. Il en arracha quelques feuilles et les lui entrelaça dans les cheveux en forme de verte guirlande. Ainsi couronnée de pampres, elle rappelait Ariane, non pas l'amoureuse Ariane qui pleurait la trahison de Thésée, ou celle qui se consolait dans les bras de Bacchus, mais Ariane la pudique. Lorsque vierge encore, elle ne soupçonnait ni les tourments ni les joies de l'amour. Charlotte avait souffert en silence cette nouvelle liberté que se permettait Felden à son égard. Cependant, elle en était contrariée car elle rougit et lui lança un regard de froid reproche. Elle profita presque aussitôt d'un moment où elle n'était pas observée et par une brusque secousse, elle fit tomber à terre la couronne placée sur son front. On fit de la musique. Les deux sœurs de Charlotte, mariant leur voix, chantèrent quelques-uns de ces airs qui sont si populaires en Allemagne. Charlotte se tenait à l'écart. On savait qu'elle ne pouvait point faire sa partie dans un morceau d'ensemble. Pourtant, Felden la pria de se faire entendre à son tour. Elle céda et chanta tous les airs qui lui furent demandés. Sa voix était belle et très étendue, mais dénuée d'expression. À la fin, les deux amis prirent congé de la famille. Charlotte se sépara de son fiancé aussi froidement qu'elle l'avait accueilli. Il n'obtint d'elle ni un regard, ni un mot de sympathie ou d'affection. « Vous avez raison, Felden, » dit Mario dès qu'il fut remonté à cheval. « Aimable n'est pas le mot propre pour peindre votre fiancée, mais elle est d'une merveilleuse beauté. Vous trouvez ?» répondit Felden avec embarras. « J'aurais cru que ces deux sœurs vous plairaient davantage. Quoi ? Ces deux grosses filles rieuses et folâtres ? Admire-t-on loi à côté du cygne ? Et quand vous mariez-vous ? Au mois de novembre. J'aimerais mieux à votre place le mois de mai. Ah ça, mais votre fiancé est bien taciturne. C'est sa manière d'être, il faut que je m'y habitue. Est-ce que jamais elle ne vous parle davantage ? Quelquefois, rarement. Vous avez vu que je me conforme à son humeur et que je lui parle moi-même fort peu. Ce n'est guère le moyen de vous connaître. Bon, qu'est-il besoin de paroles quand on se convient réciproquement ? Et elle vous aime ? Sans doute, puisqu'elle consent à m'épouser. C'est vrai. La belle chose qu'une femme belle. Il paraît décidément que vous êtes enthousiasmé de Charlotte. Cela vous étonne? Vous, dont la froideur égale presque la sienne? Vous qui pouvez endurer le supplice de 4 ans d'attente? Du moment que l'affaire est résolue et que l'époque est fixée, l'attente est peu de chose. Pour Charlotte, soit. Mais doit-il en être de même pour un fiancé, bien épris? Quoi que vous en disiez, je l'aime. On ne le croirait pas. Et je lui fais la cour à ma manière. Par le ciel, ce ne serait pas la mienne. Et quelle serait donc la vôtre ? Oh, moi, j'essaierais d'abord d'animer cette belle statue qui n'en deviendrait que plus belle, et pour cela je voudrais que cet amour éclatât dans mes yeux, dans mes gestes, dans mes soins assidus. Si j'aimais votre Charlotte, ce serait... En un mot, Felden, ce ne serait pas à votre façon. Sans doute, sans doute, mais je ne suis pas romanesque. Je ne fais ni bruit, ni fracas, ni étalage de grands sentiments, ainsi que cela se voit dans les livres. Je déteste les livres. Mario avait sur les lèvres une réplique mordante, mais il se retint. Le ton d'aigreur qui perçait dans les réponses de Felden ne lui avait pas échappé. Felden était jaloux, et prenait ombrage de l'admiration que le comte professait pour Charlotte. Cette admiration lui était d'autant plus suspecte qu'il ne la comprenait pas bien. Mario s'aperçut de cette disposition, et il fit tomber l'entretien sur un autre sujet. Néanmoins, Felden ne l'invita plus à l'accompagner dans les visites qu'il rendait à sa fiancée, et Mario se garda soigneusement de le lui proposer. L'impression que Charlotte avait produite sur lui n'était que momentanée. Elle ne tarda point à s'effacer.